Méfie-toi de l'eau qui dort, de la folie d'or pure, de l'eau qui mord, de l'eau qui dorme dans les corridors de ton vide d'ordure. Pas besoin de port d'armes pour claquer les portes ou laisser clamser les portes. Il faut de ton corps un trafic d'organes. C'est qu'un tas d'obstacles, tous les ans se battent. Stop en des os pour finir à la place de l'autre stable. Mal comme la surface du monde stagne, non stable. Entre potes de longue date avant de finir à la place de l'ombre. C'est fumer des longues lattes jusqu'à l'aube. Je veux passer le cap de l'autre là, c'est juste à d'autres. Au des télécodes et hautes lames, c'est juste à longe. Où les quels plans ont des codes, bah c'est juste à longue. Où ça se tape des codes postales avec des longues pattes, juste à longue. Au DT c'est juste un nom, t'inquiète dans le rap, y'a du talent. Des têtes à tête et des mecs à l'ombre, des bêtes de traits des mecs. Attends, à notre époque tout est décadent. C'est fini le temps des descendants, des descentes et des dilettantes. Ces générations qui jettent à l'eau.